بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence ce soir, inshallah ta'ala, le premier cours dans l'explication d'un livre très important, le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, le livre des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah. Et aujourd'hui, on ne va pas commencer à rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas non plus aborder, donc faire une présentation globale du livre, mais aujourd'hui, on va plus parler de l'auteur rahimahullah. Et donc, c'est l'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Son père est mort alors qu'il était jeune. Et il fut dit qu'il est mort avant même la naissance de l'imam Ahmed rahimahullah. Il a donc grandi avec sa mère. Il a parmi, quand on compte le nombre de meshéirs, le nombre d'enseignants qu'il a eu, les savants, ils ont cité que ce nombre-là dépasse les 280. Il a eu plus de 280 enseignants, plus de 280 meshéirs dont il a profité d'eux. Et parmi eux, il y a l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Il y a parmi ses étudiants, il y a son enfant, Salih ainsi que Abdullah, ses enfants Salih ainsi que Abdullah, les deux fils de l'imam Ahmed. Il y a aussi l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud et le très célèbre aussi Ali al-Madini rahimahullah ta'ala. L'imam al-Dhahabi rahimahullah, il cite dans son livre très connu, Al-Siyar, il nous dit: قال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. Et donc dans Siyar al-Dhahabi, le rapport d'Ibrahim al-Harbi, qu'il dit: j'ai vu que Aba Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, j'ai vu que Allah tabaraka wa ta'ala a rassemblé pour lui la science des premiers et des derniers. Donc toute la science. Cela montre justement que l'imam Ahmed rahimahullah, il était connu auprès des gens de science pour la grandeur et la grande quantité de science qu'il avait. Et Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, il dit aussi, comme dans Siyar, il dit: qu'al ali abi, خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف أو من المصنف فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. Et donc Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, il dit que son père lui disait: prends le livre que tu veux parmi les livres, ou du moins le chapitre que tu veux parmi les chapitres de Waqir dans le Musannaf. Et interroge-moi concernant les hadiths, les termes des hadiths qui sont cités, afin que moi je t'informe de la chaîne de transmission. Ou alors, interroge-moi concernant la chaîne de transmission afin que moi je t'informe du hadith en lui-même. Tout ça pour montrer encore la grande science qu'avait cet imam. Le fait, donc ici, cela montre qu'il maîtrisait les hadiths avec leur chaîne de transmission. Et certes, il a été rapporté de la Shafi'i rahimahullah, qu'il a dit: kharajtu min Baghdad فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. Et donc, il est rapporté d'Imam al-Shafi'i rahimahullah qui dit: j'ai quitté Bagdad et je n'y ai laissé un homme qui soit meilleur, qui ait plus de science, plus de compréhension et plus de piété que l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahmatullahi alayhima. Et Ibn al-Madini, rahimahullah, il a dit: A'azza Allahu ad-dina bis-siddiq yawm ar-ridda wa bi Ahmad yawm al-mihna. Il dit, Ibn al-Madini, certes, Allah a élevé la religion durant le jour de l'apostasie par as-siddiq, lorsqu'il y a eu beaucoup d'apostats. Allah a élevé sa religion par as-siddiq, qui est resté ferme. Et le jour de l'épreuve, al-mihna, et on verra quelle est cette épreuve, inshallah ta'ala, Allah a élevé sa religion durant l'épreuve par l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Et donc, que s'est-il passé durant cette fitna, cette épreuve qu'a connue l'imam Ahmed, rahimahullah? Certes, un groupe de Mu'tazila, donc la secte de Mu'tazila, ils ont commencé donc à fréquenter le gouverneur musulman, Al-Ma'moun. Et ils lui ont embelli le faux. Ils lui ont fait croire justement que la bonne croyance était le fait de dire que le Coran, la parole d'Allah, a été créée. A'oudou billah. Ils lui ont aussi embelli le fait de rejeter les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cet homme Al-Ma'moun, à l'époque, il n'était pas encore gouverneur. Mais lorsqu'il est devenu gouverneur des musulmans, alors il a appelé les gens à cette croyance, au fait de dire que le Coran a été créé. Alors, il a invité un groupe parmi les imams du hadith et il les a appelés à cela. Il les a appelés à cela, à dire que le Coran a été créé. Ils ont refusé. Il les a alors menacés de les frapper et de couper leur salaire. Alors il y a beaucoup d'entre eux qui ont répondu. Beaucoup d'entre eux qui ont répondu favorablement à sa demande, alors qu'ils étaient forcés, bien entendu. Ils ne voulaient pas cela. Mais ils ont eu peur, alors ils ont répondu en disant que le Coran a été créé. L'imam Ahmed ainsi que Mohammed ibn Nour, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont refusé, ils ont persisté à dire que le Coran est la parole d'Allah et que la parole d'Allah n'est pas créée. Alors les deux, ils ont été transportés sur un chameau attaché en direction du khalife, du gouverneur, Al-Ma'moun. Et sur la route, un homme est venu voir l'imam Ahmed, rahimahullah. Il lui a dit: Ya hadha, innaka wafidun nas, fala takun shu'man alayhim, wa innaka ra'sun nas al-yawm, fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilayhi, fayujibu. فتحمل أوزارهم يوم القيامة فتحمل أوزارهم يوم القيامة وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإن لم تقتل تموت وإن عشت عشت حميدا. Alors cet homme, il a dit à l'imam Ahmed rahimahullah, ô toi, certes, aujourd'hui, tu es celui donc qui fait honneur aux gens. Alors ne sois pas la cause de leur malheur. Tu es le leader aujourd'hui. L'imam Ahmed, il avait énormément d'étudiants. Beaucoup de personnes qui venaient le voir pour profiter de la pour profiter de sa science, l'interroger, etc. Beaucoup de personnes donc le suivaient. Si l'imam Ahmed, il disait donc effectivement le Coran a été créé, alors les gens l'auraient suivi. Alors, ne réponds pas favorablement à ce à quoi ils te demandent. Sans quoi, eux aussi, ils vont répondre. Les gens, eux aussi, après toi, ils vont répondre favorablement. Si toi, tu réponds favorablement, les gens, ils vont suivre. Et aussi, ils répondront favorablement à cela et diront que le Coran a été créé. Et à ce moment-là, tu porteras leur péché au jour de la résurrection. Et si tu aimes Allah, alors endure. Endure dans la situation dans laquelle tu es. Car certes, il n'y a entre toi et le paradis que le fait que tu sois tué ou, si tu n'es pas tué, que tu meurs. Et si tu vis, alors tu vivras et tu seras donc loué, c'est-à-dire les gens feront tes éloges. Les gens feront tes éloges. L'imam Ahmed rahimahullah, il fut fortement touché par cette parole. Et il a dit que cette parole, il a été rapporté, donc il a dit que cette parole l'a aussi motivé à persister, car il est important que les savants, les imams, restent fermes sur la vérité, afin que celle-ci reste toujours éclatante, malgré l'épreuve, malgré la difficulté de l'épreuve, afin que les musulmans puissent toujours avoir une source leur menant vers la vérité. Et donc lorsque l'imam Ahmed ainsi que Mohammed ibn Nuh, ils furent rapprochés de Al-Khalifa, donc Al-Ma'moun, parce qu'on les a envoyés voir Al-Ma'moun justement pour leur sentence, ils refusaient de dire que le Coran a été créé. Ils se sont arrêtés à un endroit qui n'était pas loin de leur destination finale, la destination à laquelle ils voulaient aller. On les a arrêtés à un endroit qui n'était pas loin. C'est alors qu'un servant est venu. Il est venu en essuyant ses larmes. Avec le bout donc de son vêtement, il essuyait ses larmes et disait « Oh Abba Abdillah, il m'attriste vraiment. Ça m'attriste vraiment que Al-Ma'moun a aiguisé une épée qu'il n'a jamais aiguisée auparavant. Et qu'il jure, par sa proximité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que si tu ne réponds pas favorablement au fait que le Coran a été créé, il te tuera de cette épée. » Alors l'imam Ahmed, rahimahullah, en entendant cette parole, il s'est agenouillé, levant les mains au ciel, en disant « Seyyidi, gharra ilmuka hadha al-fajir, fatajarra'a ala awliya'ika bid-darbi wal-qatl. Allahumma in yakuni al-Qur'anu kalamaka ghayra makhluq, fakfina mu'natahu. » Et donc l'imam Ahmed qui invoque son Seigneur, « Ô Seigneur, ta sagesse et ta patience a trompé ce fajr, ce transgresseur. » Parce que les gens, en fait, lorsqu'ils transgressent, lorsqu'ils pêchent, et qu'ils ne sont pas châtiés tout de suite par leur péché, et donc ça, ça les trompe. Ça leur fait croire qu'ils peuvent continuer à transgresser comme cela. C'est pour cela qu'on a dans le tafsir Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Oh, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé? Qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton Seigneur, le généreux et le noble? Certains des compagnons, radiallahu anhum, parmi Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'ils étaient interrogés concernant cette parole, lorsqu'on te dira au jour de la résurrection, lorsqu'on te dira qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton Seigneur, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu dis de cela? Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit Satratuka al-marcha, ya Rab. Le fait que tu cachais les péchés au Seigneur. L'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala, cache ses péchés et donc il se fait tromper par ça. Il continue. Et ne s'attend pas à ce que la mort vienne le saisir un jour. Et donc l'imam Ahmed, rahimahullah, il a invoqué contre cet homme. Il a dit à son Seigneur, celui-ci a osé s'attaquer à tes alliés en les frappant et en les tuant. Oh Allah, si le Coran est ta parole qui n'a pas été créée, alors protège-nous, préserve-nous contre son mal, contre le mal de cet homme. Et c'est alors que ils ont entendu donc dans le dernier tiers de la nuit, un homme qui criait en annonçant la mort de Ma'moun dans la même nuit. La mort de El-Ma'moun. Puis, après El-Ma'moun, donc El-Ma'moun, il a été succédé par El-Mu'tasim. Et donc, El-Mu'tasim, il a fait en sorte que l'imam Ahmed, rahimahullah, ainsi que Mohamed ibn Nour, soient renvoyés, enchaînés en direction de Bagdad. Et certes, Mohamed ibn Nour, rahimahullah, il est mort sur la route. Et c'est l'imam Ahmed qui a prié sur lui. Donc, lorsqu'ils furent arrivés à Bagdad, ils ont emprisonné l'imam Ahmed, rahimahullah, pendant environ 30 mois. Il fut emprisonné environ 30 mois. Puis après cela, ils ont fait sortir l'imam Ahmed, rahimahullah, ils l'ont fait sortir pour aller se faire frapper devant le gouverneur, donc devant El-Mu'tasim. Ils l'ont donc fait rentrer dans une demeure sombre, sans lumière. Et lorsqu'il est arrivé, l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit qu'il a tendu la main. En tendant la main, il a senti un récipient dans lequel il y avait de l'eau. Il a fait ses ablutions. Il dit qu'il a donc fait la prière alors qu'il ne savait pas dans quelle direction se trouvait la Qibla. Il ne pouvait pas savoir. Et à l'aube, lorsque la lumière a commencé à arriver et qu'il a commencé à se rendre compte de l'endroit où il était, il s'est rendu compte donc qu'il a prié en direction de la Qibla. Rahimahullah ta'ala. Et donc ensuite, bien entendu, El-Mu'tasim, l'imam Ahmed, rahimahullah, on l'a fait donc rencontrer El-Mu'tasim par la suite, le gouverneur. L'imam Ahmed, il dit qu'il s'est assis et que justement les chaînes était très lourde à supporter. Il est resté attendre un moment. Et ensuite, il a dit « Ô prince des croyants !» Il s'est adressé au gouverneur. « Ô prince des croyants, à quoi appelait le fils de ton oncle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Alors, El-Mu'tasim, il a répondu en disant « Il appelait au fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. La ilaha illallah. » L'imam Ahmed, il a dit, alors certes, moi j'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ensuite, l'imam Ahmed, il lui a cité, donc, différents hadiths, lui rappelant donc la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Et il y a eu un débat entre l'imam Ahmed et Ibn Abi Du'ad et ceux qui étaient avec eux, avec lui, donc parmi les savants des Mu'tazila, et l'imam Ahmed qui, à chaque fois qu'il les appelait, a cité leurs preuves. A cité leurs preuves. Lorsqu'il disait que le Coran n'est pas créé, l'imam Ahmed il leur demandait « Atuni ayatan min kitabillah ou hadithan min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Donnez-moi un verset du livre d'Allah ou un hadith de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après le débat, lorsqu'ils ont vu que l'imam Ahmed ne voulait pas répondre et ne voulait pas dire que le Coran a été créé, ils l'ont donc frappé avec des coups de fouet. Et ils l'ont tiré. Ils lui ont retiré ses vêtements. L'imam Ahmed rahimahullah qui disait « Ah, ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, Allah, Allah, crains Allah, crains Allah. » Certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis de tuer un musulman qui atteste que la ilaha illallah sans qu'il ait accompli les trois donc péchés capitaux. » L'imam Ahmed rahimahullah qui lui a cité des péchés, qui lui a cité donc des hadiths et lui a dit « Qu'est-ce qui te permet donc de rendre mon sang licite alors que je n'ai fait rien de cela, ô prince des croyants ?» Rappelle-toi de ta posture devant Allah de la même façon qu'aujourd'hui je me tiens devant toi. Alors ils ont commencé à le frapper. Il y a une personne, il a été cité donc dans divers récits qui cite cette histoire, l'histoire d'Imam Ahmed rahimahullah, que les personnes qui le frappaient à coups de fouet, vous savez, une personne, lorsqu'elle frappe un autre à coup de fouet, au bout de certains coups, la personne qui frappe, elle perd de la force. À force de frapper, tu perds de la force. Et donc, tes derniers coups que tu as donnés ne sont pas comme les premiers coups que tu as donnés. Et pour s'assurer que l'imam Ahmed est bien mal, chaque personne donnait un seul coup, en mettant toute sa force. Et à chaque fois donc, il frappait l'imam Ahmed rahimahullah. Et celui-ci, avec la douleur, il perdait la raison et s'évanouissait. Et lorsqu'il se relevait, ça recommençait. Ainsi de suite. Et ensuite, après qu'il fut frappé comme cela, le gouverneur l'a autorisé à retourner chez lui auprès de sa famille. Et l'imam Ahmed rahimahullah est retourné chez lui, on l'a amené chez lui du moins, afin que le docteur puisse le soigner. Ibn Kathir rahimahullah, lorsqu'il cite cette histoire, il nous dit, et après cela, lorsque le mutawakkil ala Allah, donc le mu'tasim qui est mort, après le mu'tasim, c'est le mutawakkil qui a pris sa place. Le mutawakkil est devenu le gouverneur des musulmans. Alors les gens furent heureux de cette nouvelle, car ils savaient qu'Al-Mutawakkil, il aimait la sunna et les adeptes de la sunna. Et certes, il a mis fin à la fitna de l'imam Ahmed rahimahullah. Et il a envoyé des écrits dans toutes les contrées en disant qu'il ne voulait plus que personne ne parle du fait, personne ne dise que le Coran a été créé. Et ensuite, il a envoyé un écrit à son... Donc, il a envoyé un écrit à son second, à Bagdad, wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Il a envoyé un écrit à son second à Bagdad, qui est Ishaq ibn Ibrahim, en lui demandant d'envoyer l'imam Ahmed, rahimahullah. Alors, Ishaq ibn Ibrahim, il a invité l'imam Ahmed chez lui. Il a fait preuve de générosité avec lui et a reconnu sa place, son rang de grands savants, de grands imams parmi les gens de science. Et c'est ainsi que cette épreuve fut terminée et que la parole de vérité, la parole, la croyance des gens de la sunna, que le Coran est la parole d'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Le Coran est la parole d'Allah. celui-ci n'a pas été créé, car le Coran fait partie des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La parole d'Allah fait partie de ses attributs, et les attributs du Créateur ne sont pas créés. Les attributs du Créateur ne sont pas créés. Et ce sujet, on le verra dans les détails, bi'idnillah ta'ala, lorsqu'on abordera ce livre de l'imam Ahmed, rahimahullah, ce grand imam de la Sunna, qui, donc, s'est sacrifié, justement, pour que la vérité continue, pour éviter que des gens s'égarent. Et c'est ce qui est demandé, justement, aux imams. Ceux qui sont responsables de la communauté, ceux qui ont des gens qui les suivent, ils doivent rester fermes. Rappelez-vous, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Minel mu'mini narijel ». Il y a parmi les croyants des hommes. Les savants nous disent, et donc ce ne sont pas tous des hommes. Il y a parmi les croyants des hommes. Quelles sont les caractéristiques des hommes? Ce qui est voulu ici, ce sont les hommes, les vrais. Ibn Sa'd dit dans son tafsir, il nous dit, il y a des hommes qui marchent avec une apparence d'homme. Mais ce ne sont pas des hommes. Allah, il nous cite ici, dans ce verset, les caractéristiques des hommes. Ils nous disent, Sadaqou ma'ahadullah alayhi. Ils ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantavir. Il y a parmi eux ceux qui sont morts. Il y a parmi eux ceux qui attendent la mort. Wa ma baddalu tabdila. Ils n'ont rien changé. Les fitnas sont arrivés, ils sont restés comme ça, droits. Ils n'ont pas changé. Et on ne change pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala pour faire plaisir aux gens. Ce sont eux les hommes. On arrête pour ce premier cours. Inch'Allah ta'ala, et la semaine prochaine, bi'idnillah, on continue l'explication de ce livre très, très profitable. Ou sous la sunnah, les fondements de la sunnah de l'imam Ahmed. Waffaqallahu al-jami'a. لمن يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله